Nous sommes dimanche le 28 novembre 2021. Bonjour à vous tous et bienvenue à cette édition de la mi-journée en langue française. Tout d'abord les titres. Adoption du projet de décret portant institution du cadre national de qualification et de certification au Burundi par le Conseil des ministres est tenu au cours de cette semaine. Et des crises qu'a connues le pays sont à l'origine du dysfonctionnement des écoles. Mais le ministre de l'Éducation l'a dit ce jeudi à Gitega après une rencontre avec les responsables de l'éducation. Et page chronique et nutrition, nous allons revenir sur les bienfaits de l'igname qui est une source de potassium. Voilà pour les titres. Albert Douaille sur la mise en onde à la présentation. Vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonjour, le Conseil des ministres est tenu au cours de cette semaine à adopter le projet de décret portant institution du cadre national de qualification et de certification au Burundi. Prosper Ntaurwamiye, secrétaire général de l'État, précise que seul le Burundi ne disposait pas cet outil de référence parmi les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est. Je vous propose de le suivre dans cet extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres. Le cadre national de qualification et de certification au Burundi est un outil de référence et d'orientation permettant de décrire et de définir les niveaux de formation du système d'enseignement, les conditions d'admission ainsi que les titres délivrés à l'issue d'une formation. Il répond aux besoins régionaux d'harmonisation des systèmes éducatifs de la communauté est-africaine en conformité avec le protocole du marché commun pour l'Afrique de l'Est qui consacre la mobilité des étudiants et des travailleurs. Il convient de signaler que le Burundi restait le seul pays de la communauté de l'Afrique de l'Est qui ne disposait pas de cet outil de référence. De plus, la loi de 2020 qui réorganise l'enseignement supérieur ainsi que le décret numéro 220 qui organise le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique prévoit la mise en place d'un décret portant institution du cadre national de qualification et de certification. Ce projet apporte un certain nombre d'innovations telles que les relations qui existent entre les différentes qualifications à différents niveaux de l'enseignement fondamental, de l'enseignement post-fondamental, de l'enseignement supérieur ainsi que de la formation technique et professionnelle. Il définit aussi une échelle de comparabilité des différentes qualifications et certifications correspondant à ces niveaux. À l'issue de l'analyse de ce projet, le Conseil des ministres l'a adopté avec comme recommandation de restructurer le chapitre 3 relatif à l'échelle de qualification et de certification en subdivisant les articles 10 et 11 en sections selon les différents paliers pour plus de lisibilité. Ajouter une disposition dans ce projet qui parle de la validation des acquis de l'expérience ou des acquis professionnels. Prosper Ntaurwamiye, secrétaire général de l'État. Page éducation, le degré de connaissance a sensiblement diminué au Burundi à cause des crises que le pays a connues, ce qui est à l'origine du dysfonctionnement des écoles. Propos du ministre de l'Éducation ce jeudi dans un atelier avec les directeurs provinciaux et communaux de l'enseignement, les représentants des parents et ceux des syndicats tenus à Gitega. François Vialeman a indiqué que parmi les prévisions figurent le recyclage des enseignants et la passation des tests pour ceux qui ont peu de connaissances pour être encore une fois formé. Écoutez-le dans la traduction d'Arthur Kavabouche. En essayant d'analyser le degré de connaissance d'aujourd'hui et celui des années antérieures, il y a une nette différence, mais cette différence est due à beaucoup de choses. Et pour pouvoir trouver une solution à ce problème, il faut s'attaquer à l'origine de ce problème. C'est l'objet de cet atelier. Le degré de connaissance a régressé et la cause est liée en général au moment que le pays a connu où il y avait des écoles qui ne fonctionnaient pas bien. Et on trouve que ceux qui ont étudié durant ces durs moments, ce sont eux qui sont en train d'enseigner. Et vous savez que personne ne donne ce qu'il n'a pas. Ceci fait que la qualité de l'enseignement va en régressant. Vous demandez ce que nous sommes en train de faire. Parmi les prévisions de cette année, et vu que les connaissances actuelles sont de mauvaise qualité, nous prévoyons le recyclage des enseignants enseignants et d'ici le mois de juin 2022, 30 000 enseignants seront formés afin de redresser le tir pour qu'ils puissent donner des enseignements de qualité afin que la production soit bonne. Dans cette optique, ils devront passer des tests pour que les enseignants qui auront moins de connaissances puissent bénéficier de ces formations. Restons toujours dans le domaine de l'éducation. Plus de 14 000 enfants ont abandonné le banc de l'école en province Cibitoque au cours de l'année 2021. Le directeur provincial de l'enseignement en province Cibitoque, Joseph Nyandoui, précise que les motifs de ces abandons sont souvent la pauvreté et les grossesses non désirées. Il indique également que certains directeurs des écoles donnent des effectifs erronés dans le but de bénéficier beaucoup de subsides, mais qu'ils comptent décourager cette tricherie. Alexis Dailagic. Selon les données de la direction professionnelle de l'enseignement à Cibitoque, en 2021, les enfants qui ont abandonné le banc de l'école sont au nombre de 3544 en commune Mugina, Mugui 2595, Rugombo 2307, Mabaye 2151, Buganda 2012, enfin Bukinanyan avec 1936. Joseph Nyandoui, directeur de la direction professionnelle de l'enseignement de Cibitoque, indique que beaucoup d'enfants ont abandonné le banc de l'école suite à la pauvreté pour les filles. Les grossesses non désirées sont évaluées à 63 et les filles qui ont abandonné suite à la pauvreté sont au nombre de 2876 dans les écoles fondamentales et 296 dans les écoles post-fondamentales. Néanmoins, le directeur provincial de l'enseignement Cibitoque indique que certains chiffres des abandons scolaires seraient fictifs puisque certains responsables des écoles donnent des chiffres élevés, erronés des élèves à la rentrée scolaire afin qu'ils puissent bénéficier beaucoup d'argent des subsides au cours de l'année. Lorsque les rapports arrivent au sein du ministère, ces responsables des écoles donnent par après les effectifs fictifs comme abandon scolaire. Sur ce, Joseph Nyandoui préconise d'envoyer le personnel de la direction provinciale de l'enseignement à Cibitoque dans toutes les communes pour faire des enquêtes approfondies jusque sur les collines et que les directeurs des écoles qui ont donné des effectifs élevés erronés des élèves puissent être sanctionnés. Concernant ces abandons scolaires, la responsable du Centre de développement familial en province de Cibitoque, Gertie Denis-Okindi, demande à tout un chacun de s'impliquer afin que ses enfants reprennent le banc de l'école. Ce qu'il partage avec Jackson Bahati, point focal de la FENADEB en province de Cibitoque, où celui-ci demande également aux autorités administratives de sensibiliser les parents des enfants afin que les enfants ne continuent plus à abandonner le banc de l'école. Depuis Cibitoque, Alexis Ndairagije, Radio Isanganiro. Papier en français termine. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13 heures passées de 5 minutes, page environnement, la protection de l'environnement atteint une étape satisfaisante en général au Burundi. Chose appréciée par le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement au BPI. Belkima Satungimana précise que cela a entraîné le retour de certaines espèces animales, dont le buffle. Je vous propose de le suivre et les propos ont été recueillis par Moïse Misago. Je dirais que l'appréciation est tellement positive. Et surtout que le gouvernement a pris beaucoup de mesures à radant dans le sens de la protection de l'environnement. Il y a des mesures qui ont été prises sur le parc national de la Rusizi. Il y a des mesures qui ont été prises sur les réserves naturelles du Sud. Il y a des mesures qui ont été prises sur la forêt Mukunguru-Kambasi. Il y a des mesures qui ont été prises sur le paysage protégé de Rusigabangazi. C'était des lieux qui faisaient objet de convoitise par la population, notamment pour la recherche des terres cultivables, et d'autres ils venaient pour s'y installer. Mais le gouvernement vraiment a pris donc des mesures pour que donc ces endroits donc soient protégés. Aussi, nous remercions donc la venue du programme national de reboisement et Wundurambaye, puisqu'il est venu et mettre donc les choses dans l'ordre. Puisqu'avec ce programme, il y a donc une prise de conscience de la population, de l'administration, donc tous sont ensemble. Ce sont donc des actions qui donc au niveau de l'Office pour la protection de l'environnement que nous trouvons vraiment qui sont venus pour apporter donc une valeur ajoutée sur la protection de l'environnement. Pour la population qui jusqu'à présent ne s'investit pas dans la protection de l'environnement, quel est votre message? Bon, le message que je pourrais lancer donc à cette petite poignée donc de la population, et c'est que donc l'appel que je leur lance, c'est vraiment de couper court avec donc les anciennes pratiques, notamment les pratiques donc de culture de cérébrerie, les pratiques donc de chasse, les pratiques donc de défrichement. Donc ce sont des pratiques qui les coupent court et adhérer au programme national de reboisement. Les violences basées sur le genre peuvent quelquefois émaner des femmes elles-mêmes suite à leur comportement dans les ménages. C'est ce qu'a dit les hommes de la province de Bubanza qui déplorent même le fait qu'il n'y a pas de journée dédiée aux maris maltraités. Au centre de développement familial et communautaire dans cette province, l'administration demande aux couples de s'entendre et de partager leurs avoirs. Sinon, ceux qui vont à l'encontre de la loi, hommes ou femmes, sont sanctionnés conformément à la loi. Et dans la province de Changuzo, les petits commerçants de certains quartiers du chef-lieu de la province Changuzo se plaignent que leurs kiosques sont cambriolés et leurs biens volés dans certains jours. C'est le cas des quartiers Ndava où plus de 3 kiosques ont été pillés ces derniers jours, tandis que sur la colline Muyaga, ce sont les vélos et les denrées alimentaires qui font l'objet de vols. La population demande à la police de multiplier les rondes nocturnes, mais la police demande à ses commerçants et à la population générale de collaborer avec la police et les détenteurs des kiosques pour mettre sur pied les veilleurs. Raymond Moudende. Le cas le plus récent du banditisme nocturne sont signalés au quartier Ndava, où, comme l'indique un commerçant dont le kiosque a été cambriolé, concerne le vol des marchandises composées des casiers de bière, des produits alimentaires et d'autres produits. Des petits commerçants de ce quartier demandent à la police de multiplier les rondes nocturnes pour la sécurisation de leurs kiosques. Et si la colline Muyaga, le vol domestique continue à s'observer, car Gualamaze Alexandrine, chef de colline de Muyaga, indique que ce sont les vélos, des machines à coudre, des chèvres et des denrées alimentaires qui font objet de vol. Ce chef collinaire demande à la population de collaborer avec le comité mixte de sécurité et la police. La police de sécurité intérieure à Changuzo demande à ces petits commerçants de mettre sur pied des veilleurs qui collaboreront avec un élément de la police redéployé dans chaque quartier ou sur chaque colline. Depuis Changuzo, Raymond Mudende, Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique et nutrition de ce dimanche, nous revenons sur l'igname qui est un aliment composé de près de 10% des protéines. Le chercheur nutritionniste explique qu'une farine obtenue dans le mélange igname et blé produit une bouillie très utile à la santé de l'enfant qui ne prend plus du lait maternel. Jubin Langois fait savoir que l'igname est la bonne source de potassium qui intervient dans le renforcement du système immunitaire. Omer Ndouaye. Dioscoria dumetorum est une plante de famille des tubercules. Gilbert Nanguahafi, expert nutritionniste, explique que l'igname est un aliment à chair blanche ou jaune. Dioscoria dumetorum, c'est l'igname ou Dioscoria, qui est bien sûr une plante grimpante déjà des tubercules à tige épineux, appartient à la famille des Dioscoriacées. L'espèce dumetorum est l'igname très répandue dans l'ouest du Cameroun, reconnaissable à ses feuilles trifoliées. La partie comestible est constituée par des pieds comportant plusieurs tubercules compactes. Il s'agit donc en réalité des racines tubérisées à chair blanche ou jaune. C'est la variété qu'on trouve aussi au Burundi. Le Dioscoria dimetorum est une des 8 variétés d'igname Dioscoriacée. Les plus cultivées en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Au Burundi, cette variété d'igname Dioscoria dimetorum est cultivée dans certaines régions montagneuses, mais aussi elle peut pousser dans n'importe quelle région de notre pays. Pour sa spécificité, l'igname est la seule plante des familles de tubercules riche en protéines, contrairement aux autres tubercules comme la patate douce, la colocase ou le manioc, ajoute l'expert. Concernant ses bénéfices sur la santé humaine, l'on constate une teneur moyenne en protéines de 9,6% de la matière sèche. Valeur qui est supérieure à celle de la plupart des tubercules est comparable à celle des céréales. Elle est riche aussi en minéraux, en calcium, en phosphore, en magnésium ainsi qu'en acides aminés. Elle prévient la carence protéino-énergétique. Le mélange Dioscoria dumetorum et le bleu donne une bouillie très nutritive à la santé de l'enfant qui ne prend plus du lait maternel, confirme Gilbert Nanguahafi, l'expert nutritionniste. Les aliments de sevrage traditionnels au Cameroun et dans d'autres pays en voie de développement sont des bouillies à base de céréales fermentées que l'on rencontre sous plusieurs notes que le kourkourou au Cameroun, préparé à partir du mil et du sorgho, l'igikoma au Rwanda obtenu à partir du sorgho, le potopoto au Congo à partir du maïs et le moussourou au Burundi obtenu à partir du maïs et des huiles ou du manioc quelquefois. Ces bouillies sont souvent diluées et sont souvent fournies donner aux enfants sans supplémentation enrichie en protéines de bonne qualité. Beaucoup de pays en voie de développement, y compris le Burundi, ignorent l'ajout de farine à base de tubercule, d'arrière bouillie, comme Dioscorea, Dimetorum, patate douce, pomme de terre, etc. Alors qu'ils sont très riches en éléments essentiels pour notre organisme. L'igname se consomme cuite, poêlée ou grillée au barbecue, signale l'expert. On fait l'épluchage puis cuire dans l'eau. On peut cuire aussi avec son écorce, comme patate douce. Préparer aussi comme la goutte ou la grillade sur braise. On peut la préparer aussi sous forme de la bouillie. Après son dessussement et mouture, on peut l'accompagner avec de la viande grillée. On peut reprendre aussi avec des avocats, des haricots. Les farines composées, donc blé, igname, durci, pourraient être utilisées comme ingrédients de base dans la formulation des bouillies infantiles. Lors de la consommation, l'igname peut être accompagné de l'avocat ou de la viande grillée ou encore des haricots. Merci à toi, Omer Ndouayo, et votre invité. Et bien voilà, fin de ce journal et merci de l'avoir suivi. Également, merci à Albert Ndouayo pour sa collaboration technique. Jean-Marie Mayonga était à la présentation. Bon dimanche, au revoir.